Paris sur le vif. Écoutez. Nous avons raté le train. Et tout ça à cause de toi. Ça alors, c'est toi qui n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt parce que tu n'avais pas préparé mes affaires. C'est facile de tout mettre sur le dos des autres. Répétez. Nous avons raté le train. Et tout ça à cause de toi. Ça alors, c'est toi qui n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt parce que tu n'avais pas préparé mes affaires. C'est facile de tout mettre sur le dos des autres. Écoutez. Qui a cassé cette assiette? Elle est tombée parce que Jeanne m'a poussée. Alors, comme d'habitude, c'est de la faute de ta sœur. Ce n'est pas beau de mentir. Répétez. Qui a cassé cette assiette? Elle est tombée parce que Jeanne m'a poussée. Alors, comme d'habitude, c'est de la faute de ta sœur. Ce n'est pas beau de mentir. Écoutez. Alors, vous ne m'avez pas réservé de wagon-lit? Non, monsieur. Vous voyez bien, je n'ai rien à votre nom. Et c'est complet? C'est complet. Je n'y suis pour rien. Pourtant, j'ai écrit il y a 8 jours. Quelle pagaille! Pas étonnant que la SNCF perde de l'argent. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je vais faire une réclamation. Répétez. Alors, vous ne m'avez pas réservé de wagon-lit? Non, monsieur. Vous voyez bien, je n'ai rien à votre nom. Et c'est complet? C'est complet. Je n'y suis pour rien. Pourtant, j'ai écrit il y a 8 jours. Quelle pagaille! Pas étonnant que la SNCF perde de l'argent. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je vais faire une réclamation.